Ok. Vous savez, à pour toujours nous lutter pour nous arriver. Parce que le système a même venu dangereux. Mais avant, il y a l'homme nourrice qui va venir vous parler un peu. Et ensuite, nous allons vous prendre ça. Bidin. L'homme nourrice. Mais vini dangereux, un vini dangereux. Un peu de lutter, un peu de lutter. mais vini dangereux, mais vini dangereux. A peu de lutter, à la main peu de river. Fais ça que moi la système alors, vini dangereux, mais vini dangereux. Oh vini dangereux. Qui vit dangereux, à l'heure de guerre espérée. Qui vit dangereux, à l'heure de connaître de l'île. Qui vit dangereux, à l'heure de connaître mon pied. Aïe oui, alors vini pas de pied. Le système alors, vini dangereux, mais vini dangereux, oh vini dangereux. A peu de lutter, non mais pour de river. Parce que moi, le système alors, vini dangereux, mais vini dangereux, oh vini dangereux. Originalia, c'est route, c'est route. Où on obligue à l'obrada, pour le retard, pour le retard. Yes, aïe, yes, aïe. Originalia, c'est le banger là ce soir pour tous ceux qui sont à Makoyan qui jouera ce soir. Real MC.